Dossier 7. Leçon 1. Les habitudes alimentaires. Activité 9. Alors, madame, vous avez des produits laitiers dans votre réfrigérateur ? Oui. Alors, j'ai des yaourts, du lait et du beurre. De la viande ? Du poisson ? Oui. J'ai un poulet, mais j'achète rarement de la viande rouge. Autrement, j'ai un peu de saucisson. Et comme poisson... Non, je n'ai pas de poisson. J'ai uniquement des crevettes. Et il y a aussi des fruits et des légumes ? J'ai des poires, des cerises et comme légumes, j'ai toujours de la salade dans mon réfrigérateur. La voilà. Et aujourd'hui, j'ai aussi des haricots verts. Et il y a encore autre chose ? Ah oui, une douzaine d'œufs, de l'eau minérale et un reste de gâteau au chocolat. C'est tout. Je vous remercie, madame.